Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Deux mini-tours d'échafaudage, quatre panneaux couverts de graphes, un cercle dessiné sur le sol forment un décor minimal. Aujourd'hui, émission très spéciale. Le public enthousiaste est au coude à coude autour du cercle. Sydney anime cette émission en rappant. HIP, HOP, autrement dit hip-hop. En janvier 1984, c'est la première émission consacrée à ce genre en France. Sydney est le premier noir d'origine antillaise animateur de télévision en France. Tu fais un petit pas chassé latéral. Il n'est pas question de se limiter au rap. Le hip-hop est une culture urbaine, la danse y tient une place essentielle. À chaque émission, une leçon décompose un mouvement typique de la danse hip-hop. Un défi oppose ensuite des gamins pleins d'audace pendant que les DJ scratchent en direct. Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Le générique de fin est l'occasion pour chacun de s'avancer dans le cercle pour montrer ce qu'il sait faire. L'émission est un succès, tant qu'elle est diffusée avant le feuilleton populaire Starsky & Hutch. Puis, elle perd de la vitesse, est arrêtée à la 43e semaine et devient alors mythique. La danse hip-hop s'impose grâce aux qualités athlétiques de ses danseurs et au nouveau public populaire de garçons au début, attirés par la performance physique et les défis. Ils peuvent occuper la scène à la fin des spectacles pour improviser librement. Une greffe très productive sur le tronc de la danse contemporaine. Le rap, lui, est assez vite perçu comme une mode déjà dépassée. Les rappeurs semblent pouvoir, au mieux, fournir un titre au succès inattendu, mais être incapable de s'insérer dans l'économie du disque de variété. Ils récusent cette intention car ils y voient une menace pour leur liberté créatrice, leur inspiration musicale et un fort risque de formatage. Et pourtant, leurs voix vont trouver le soutien de quelques-unes des radios associatives que la loi de 1982 sur la liberté des ondes a fait fleurir. Radio Nova, par exemple, attire sur son antenne un des premiers DJ français, Dynasty. Son Panam City Rapin est chanté en français. Les premiers succès de MC Solar, comme Bouge de là ou Qui sème le vent récolte le tempo, au début des années 90, changent la donne. Grosse vente de CD, il transforme cet art marginal en branche de l'industrie musicale. Texte recherché, il légitime les rappeurs comme des auteurs et des créateurs à part entière. La loi de 1994 impose les quotas francophones à la radio et amplifie l'audience de ce rap français. À la suite des émeutes urbaines des années 90, les médias limitent cette poésie populaire à l'expression d'un mal-être sociologique banlieusard et confinent les IAM ou NTM, Nick Tamer, dans le rôle d'interprète d'une marge inquiétante. On vient solliciter leurs témoignages pour les journaux télévisés ou pour des plateaux de débat, plus rarement pour permettre à leur art d'être entendu. En réponse à ce regard réducteur, s'affirme, comme chez Booba, une mythologie basée sur la violence, la misogynie, l'argent et la drogue. Pourtant, bien des rappeurs refusent implicitement ou explicitement d'être des porte-paroles politiques ou sociaux. Ils souhaitent d'abord, comme tout auteur, développer leur expression personnelle, y compris à partir d'expériences difficiles, et, comme musicien, explorer les potentialités des musiques électroniques. Comme le dit Oxmo Puccino, je suis rentré en collision avec mes obstacles, tourne le pire à la dérision, l'offre est spectacle, ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Lyrique s'apaise, je rappe les oiseaux stèse, fais-toi plaisir, écoute ça avec ta délice. Ce matin, je suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frapper par un maléfice, recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. Je suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. Je suis entré en collision avec mes obstacles, tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix, ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois.